Ma délicieuse. C'est pas souvent que j'écris. Le poids des mots, le fait qu'ils ne disparaissent pas et surtout celui qu'au final, je ne sache pas vraiment dire ce que je veux, tout ça, ça me rend peu bavard. Alors, comme on est le 18 et que tu as 41 ans aujourd'hui, j'ai voulu marquer le coup, faire un effort, prendre mon courage à deux mains et te rédiger quelque chose. Depuis plus de 6 mois, tu me fais grandir. Tu mets de la chaleur dans mon cœur, dans mon corps, et tu relis mes neurones entre eux. Oui, je t'aime. Tellement. Je pense que notre histoire a encore de beaux jours devant elle. Je t'embrasse. Tendrement. Voracement. Ton savoureux. Marine tournait et retournait la petite carte bleue sur laquelle son Adam avait rédigé son message. Il était tout à fait à l'image de ce qu'elle ressentait de lui. Ses hésitations, son manque d'assurance, ses 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Il n'était pas fréquent qu'il se dévoile, qu'il parle de ses sentiments ou de l'avenir avec elle. Cela avait commencé comme une histoire de cul, oui, c'était vraiment ça, un bon coup une nuit de janvier. Un grand tumulte dans le corps de l'une, mais de l'autre aussi. D'ailleurs, si cela s'était borné à une aventure sexuelle, après 7 mois ce serait déjà terminé, ou du moins cela n'aurait pas cette intensité. Elle avait eu envie de lui, de son corps, de son trouble, de son inexpérience et de sa curiosité, et s'était littéralement jetée sur lui. Comment avait-elle osé ? Il fallait bien reconnaître qu'elle n'était pas coutumière de faire ce genre d'avance, et surtout avec quelqu'un de 15 ans de moins qu'elle. D'habitude, c'était elle qui attendait les propositions masculines. Mais eux, ils s'étaient trouvés. Ils étaient si différents et pourtant ils se comprenaient, se respectaient. Elle savait qu'il était inutile d'essayer de meubler les silences d'Adam. Et lui, souvent, même s'il se sentait un peu bousculé par sa spontanéité et sa façon enflammée de parler, il l'acceptait et ne lui en voulait jamais d'être autant le contraire de lui. Il avait longuement réfléchi à la manière dont il aurait voulu gâter sa bleue. Il avait pensé à différentes choses, un concert, un souper, un moment dans un spa. Et puis finalement, il se décida. Il la savait joueuse, mais n'aimant pas trop les surprises. C'est pourquoi, dans l'enveloppe contenant la petite carte bleue avec ses mots, il avait ajouté un papier plié en 4 sur lequel était écrit seulement 50 nuances, et un autre dont il sera question plus tard. Elle venait de trouver le premier petit billet. 50 nuances ? Cela faisait-il allusion à cette trilogie sulfureuse qu'elle n'avait pas vraiment aimée ? Situation tordue, du sexe pour du sexe, pas vraiment une intrigue mise à part dans le 3e opus. Peut-être était-il question d'autre chose ? Elle avait dû en lire un extrait lors d'une des émissions des coquineries littéraires. Mais à ce moment-là, Adam n'était pas encore le sonorisateur attitré de l'émission. Enfin, il n'était pas censé le savoir. Elle leva les yeux vers lui. « Tu veux qu'on joue une scène de ce truc-là ? C'est un jeu sadomaso que tu me proposes ? Mais non, enfin, je sais bien que tu n'aimes pas ça. Je n'ai pas aimé l'histoire non plus, tu sais, ni la manière dont c'est écrit. » Aïe. Adam se mordillait les lèvres. Il n'avait pas prévu ça. Il pensait que il fallait qu'il cherche autre chose. L'idée de la chasse au trésor était peut-être bonne, mais c'était les indices qui ne l'étaient pas. Tout à ses pensées, il se mordillait la lèvre inférieure de manière insistante. Marine le regardait en souriant. Elle savait ce que cela signifiait. Il se lança à l'eau. Et si on recommençait ? Recommencer quoi ? Mon cadeau. T'as vu, il y a autre chose encore. Elle secoua l'enveloppe, de fait un autre petit papier en tomba. Sur le petit papier en question, pour ceux qui ne lisent pas, qui font juste une écoute de mon texte, il est indiqué « Choisis une couleur ». Trois couleurs sont proposées, le blanc, le rose et le mauve. Marine se souvenait de ses jeux de cours de récréation. « Combien tu veux ?»« Choisis une couleur. » Il y en avait 8. Et puis, suivez les questions. « Tu l'aimes ?»« Tu l'adores ?»« Ou tu le mettras plus tard ?» Elle sourit devant la candeur d'Adam. Il était vraiment trop craquant. « Rose. » Il savait ce qui lui restait à faire. Pour rattraper le coup, il repensa à la manière dont tout avait démarré avec Marine. D'abord, il l'avait découverte un soir, presque une nuit. Elle lisait des textes érotiques durant une émission coquine. Ensuite, elle s'était jetée sur lui après un concert et était devenue son initiatrice. C'était par là qu'il fallait reprendre les choses. D'habitude, c'était elle qui lisait. Deux possibilités s'offraient donc à lui. Soit il lui faisait la lecture de quelque chose l'excitant elle, soit elle s'y collait et il serait son instrument de plaisir. Après quelques recherches, il trouva exactement ce qui conviendrait. Elle aimait le sexe élégant, ce texte l'était. Les hommes plus jeunes qu'elle l'attiraient assurément. La différence d'âge ici était moins grande que la leur, mais de 10 ans tout de même. Elle apprécierait l'attention. Et puis, il y avait des descriptions, des questions. Elle appréciait les dialogues intérieurs. Et le récit était constitué uniquement de cela. C'était parfait. Le texte, parce qu'il ne s'agissait en rien d'une nouvelle ou d'un roman, lui rappelait leurs hésitations du début, de cet après-concert de fin janvier, ses tâtonnements à lui, la manière dont Marine avait pris les choses en main. Tout s'était passé simplement, dignement, avec un petit parfum sulfureux et tellement léger. Cette fois, c'est lui qui lirait. Il n'en avait pas l'habitude, il fallait qu'il s'entraîne. Pour sa bleue, il était prêt à beaucoup. Il s'installa donc dans le canapé blanc, la tablette à la main. Elle. Qu'est-ce que je fais? Je m'écarte dignement? Je n'ai pas envie de le vexer. Et d'ailleurs, je n'ai pas vraiment envie de m'écarter. Je tourne la tête vers lui. Lui. Elle se tourne vers moi. Je sens son souffle près de mes lèvres. Alors je l'embrasse. D'abord doucement, puis tendrement. Puis très tendrement. Elle. Il m'embrasse, je ne le repousse pas. Enfin, on s'embrasse, enfin. Qui embrasse qui? Ah oui, ça dépend. Dans quelle bouche sont les langues? Dans... Ah, finalement, c'est moi qui l'embrasse, là. Et à présent, c'est lui. Et c'est bon dans les deux cas. Il imaginait ses yeux étonnés. Certainement se souviendrait-elle du souffle de celui qui allait devenir son amant dans son cou. Elle avait pensé qu'il était expert en préliminaire soft, et cela l'avait troublé. Lui. Là, elle me regarde. Elle approche sa bouche tout près de mon oreille et elle chuchote, son souffle me faisant frissonner autant que ses mots. Tu as envie de moi? Elle. Mais pourquoi lui ai-je dit une chose pareille? Peut-être parce que je continue de le trouver si jeune? Mais ces baisers ne sont pas des aumônes à une pauvre vieille, il y a pris du plaisir. Ou sinon, c'était très bien imité. Il était clair depuis le début que la différence d'âge entre eux aurait pu être un obstacle, une difficulté, une composante de laquelle il était primordial de tenir compte. Elle. Et puis, à travers ma robe légère et son pantalon, son corps dit au mien de la façon la plus claire que, oui, la tendre dureté que je sens contre moi montre qu'il a envie de moi, très envie. Lui, J'ai le souffle court. Ah oui, j'ai envie d'elle. Elle, un peu coquine, je prolonge notre baiser, je prends plaisir à son émotion et à la mienne. Je suis appuyée sur l'aile d'une de nos voitures. S'il le voulait, il pourrait me prendre là, sur le capot. Je suis folle, mais c'est bon. Adam se souvenait avec émotion de ce moment où elle l'avait chevauché en se frottant à lui. Juste vêtue d'une petite robe noire et de bas qui tiennent tout seuls. Comme cela l'avait surpris, mais excité, il s'était senti durcir. Lui. Je m'enfonce de mon mieux en elle, je me retire, puis un coup de rein et après chaque coup de rein, je l'embrasse sur la nuque, je la mords et je recommence. Bientôt, je réussis à combiner les allers-retours de mon sexe avec les baisers sur sa nuque. Elle. Ah, il s'enfonce et il me mord. Et il s'enfonce et je gémis encore plus fort et plus fort. Mon corps s'arc, je jouis encore. Ah. Lui. Enfin, je jouis moi aussi, je râle. Puis mon corps se détend sur le sien. Nous palpitons encore du plaisir. Bien sûr, il y avait des choses qui ne s'étaient pas passées de la même façon. Mais les émotions, juste les émotions, le désir qui s'insinue, qui se répand dans tout le corps, qui démarre du ventre et irradie jusqu'au sexe. Il s'était vraiment donné beaucoup cette nuit-là. Il y avait d'autres mots de l'auteur, un certain Arturo. Était-ce une coïncidence, ce prénom ? Adam savait qu'avant que leur histoire ne commence vraiment, Marine avait eu une liaison virtuelle avec un Arthur. Il n'en parlait jamais, mais d'après ce qu'il avait cru comprendre, ce monsieur avait ouvert une boîte de Pandore et depuis, la jeune femme n'avait rien d'une dévergondée. Mais elle savait très bien comment émoustiller, attiser le désir et le faire grandir au creux du ventre rien qu'avec sa voix. Et ça, elle l'avait appris avec Arthur. Donc, les mots d'Arturo correspondaient à ce qu'il ressentait personnellement. Ne sachant cependant pas aussi bien manier la langue écrite que lui, c'était vraiment venu à point qu'il tombe sur ce texte. C'était miraculeux. Ensuite, il était question d'enlacement très tendre, de pénétration fougueuse mais attentionnée. Adam avait reconnu ce type d'étreinte, c'était précisément de cette manière que Marine l'avait séduit. De la douceur, de la compréhension, de la générosité et tellement de tendresse, de respect. C'était sableux, délicieuse, attentive. Et il avait fondu. Il s'était fait fondre. L'un pour l'autre. Voilà, il avait sélectionné ses morceaux du texte « Lettres classiques ». Il allait maintenant se laisser imprégner par ce qu'il dégageait. Comment sa bleue s'y prenait-elle ? Elle recevait ce qu'elle avait à lire à l'antenne le week-end précédent et elle en prenait possession, littéralement, comme s'il s'agissait de ses mots à elle. Elle ne s'entraînait pas réellement tout haut, c'était plutôt anticiper les mots et par là même les émotions qu'ils suscitaient. Elle voulait qu'il gagne en profondeur, mettant l'un ou l'autre en relief, ou au contraire en les allégeant. Mais bon, il se connaissait, il savait que lui, les mots, ça faisait deux. De plus, il était très conscient de la manière dont il se tenait quand il était troublé. Oui, elle le trouvait séduisant, son savoureux, mais Marine serait certainement très étonnée s'il avait le culot de ne pas se montrer vulnérable comme à son habitude. Les cils battant comme des papillons, les mains crispées sur les cuisses largement ouvertes, la poitrine se soulevant lentement au rythme de ses souffles. Cela avait du charme, mais s'il pouvait s'affranchir de cela. Il lut donc et relut dans sa tête. Puis en chuchotant. C'était peut-être la manière qui conviendrait le mieux. Ce texte donnait l'impression d'être un enchevêtrement de confidences. 2 jours plus tard, un samedi, le nouveau présent était prêt. En fait, cadeau, il y en aurait deux d'ailleurs. Il a été question de celui concernant les lectures. Pour ce qui était de l'autre, il y avait cette couleur que Bleu avait à choisir. Elle avait remis son petit papier deux soirs auparavant. Rose. Installe-toi. Aujourd'hui, c'est moi qui te fais la lecture. Marine regardait Adam complètement ébahie. Alors c'était ça son projet ? Elle était dans le canapé blanc, les jambes repliées contre elle. Adam pouvait voir son string, bleu clair. Il tâcha de ne pas laisser ses yeux s'y attarder. C'était déjà assez compliqué comme ça. Mais si son ami prenait une pause pareille, il ne lui faudrait pas énormément de temps pour perdre complètement les pédales. Il lut d'une traite, en murmurant, pratiquement sans reprendre son souffle. Les mots délicieux d'Arturo. Il la vit se tortiller, tirer sur sa jupe très courte, pour qu'il ne voie pas dans quel état de trouble humide elle se trouvait. Oui, elle se rappelait, elle aussi, de tout cela, leurs premiers gestes, les yeux clos d'Adam et les siens émerveillés, la manière dont il aurait voulu la caresser et celle qu'elle avait eue de le guider ce soir-là. C'était elle qui était troublée au plus haut point. Combien son savoureux avait dû prendre sur lui pour lui offrir un cadeau pareil. Elle le regardait, scrutait son joli visage, s'attardait sur cette fossette qu'il avait au menton et qui se dessinait quand il jouait du sax. Il avait tellement peu l'habitude de parler longtemps qu'elle n'avait pas le temps de creuser sa joue droite. De jolies étincelles brillaient dans ses yeux verrécumes. Finalement, même s'il n'était pas aguerri à ce genre d'exercice, il ne sentirait pas trop mal. Au plus il lisait, au plus elle se sentait fondre. Les mots, les sensations décrites, c'était vraiment du grand art, tellement proche de leur histoire à eux. Elle. Et puis, à travers ma robe légère et son pantalon, son corps dit au mien de la façon la plus claire que oui. La tendre dureté que je sens contre moi montre qu'il a envie de moi, très envie. Ce fut là qu'elle se rapprocha de lui, sa jupe était relevée, son string mouillé, et ses doigts, elle, voulaient sentir si Adam était aussi excité que l'homme de l'histoire. Lui. J'ai le souffle court. Ah oui, j'ai envie d'elle. Elle passa sa main gauche sur l'entrejambe de son amant. Elle. Un peu coquine, je prolonge notre baiser, je prends plaisir à son émotion et à la mienne. Marine l'embrassa à pleine bouche. Elle enroula sa langue autour de la sienne et il répondit à son baiser. C'était tendre, mais surtout très chaud. C'était comme ils aimaient tous les deux. Il lui prit des mains la tablette sur laquelle il lisait le texte d'Arturo et la déposa sur la table basse du salon. Et puis gentiment, avec énormément de douceur, elle se blottit dans ses bras. Elle leva les yeux vers lui, toujours ses émerveillements pour son Adam, son savoureux, sa maîtrise de lui, son calme. Elle avait encore un cadeau à découvrir. On se rappelle qu'Adam lui avait demandé de choisir une couleur. Il la connaissait coquine, mais aussi épicurienne et hédoniste. Ce qui était rose, c'était un nouveau jouet mis sur le marché peu de temps auparavant. Elle le sortit de son emballage. Il était d'une couleur très vive, d'une taille relativement petite, tenant pratiquement dans la main. Il avait l'air doux. Il l'aiderait à prendre du plaisir seul en 3 minutes, selon la notice. Elle était ravie des surprises auxquelles son partenaire avait pensé pour elle. Oui, il y avait eu un couac au début, mais grâce à la présence d'esprit du jeune homme, un amour toujours plus grand les liait. Un amour qui les faisait se respecter l'un l'autre, quelque chose d'idéal. Ils étaient heureux, il ne pensait pas au lendemain qui pleure, juste au plaisir qu'ils se donnent aujourd'hui. Ils aimaient le regard de l'autre sur eux. Ils se faisaient confiance. D'Orly au paradis. Orly Sud, dans l'après-midi, un dimanche de fin juillet. C'est toujours là que remonte mon souvenir. Je suis en train d'attendre le vol qui ramène les vacanciers du Club Med de Marrakech. Ils doivent arriver par un simple couloir, face auquel quelques dizaines de personnes les espèrent, dont moi. Non, aucun soldat en armes ne nous surveille et les passagers n'ont pas été fouillés au départ, ni leurs bagages radiographiés. C'est dire si c'est une autre époque. J'ai 27 ans depuis quelques jours. Tout a commencé 10 jours plus tôt, au Club Med en question. J'étais au bord d'une des piscines, je l'ai vu nager, et je lui ai dit quelque chose qui parlait du plaisir de regarder les jolies baigneuses. Elle m'a souri. Elle m'a dit plus tard que si j'avais utilisé d'autres mots, elle aurait tourné le dos, mais que « jolie baigneuse » lui avait plu par son parfum un peu désuet. Elle avait de très jolis seins, petits mais bien ronds, ni trop peu bronzés. Ah oui, à l'époque, nulle femme au-dessous de 55 ans n'aurait songé à garder son haut de maillot pour nager ou pour bronzer. Trouver un sein de femme indécent ? Ridicule, franchement, alors que le 21e siècle approchait. Ensuite, nous ne nous étions plus guère quittés pendant les 2 jours que durait encore mon séjour. La veille de mon départ, nous avions dansé, joue contre joue, cœur contre cœur. Nous avions parlé, et parlé, et parlé. Sous les arbres, j'avais osé l'embrasser. Elle m'avait rendu mon baiser avec intérêt. Et elle m'avait permis quelques privautés pour que je puisse constater que sa poitrine était aussi agréable à caresser qu'à regarder. Puis elle m'avait dit « Non, tu pars demain, dans une semaine je rentre à Paris, si alors tu veux me revoir. » 3 jours durant, je m'étais rongée. Oui, elle n'avait pas de téléphone portable, ni moi d'ailleurs, ni personne. Et l'Internet n'était qu'une hypothèse de science-fiction, c'est drôle d'y repenser. Le 4e jour, j'avais envoyé un télégramme téléphoné. Serait Orly dimanche, baiser. Je n'attendais pas de réponse. Et me voici à Orly ce dimanche. Les premiers voyageurs débouchent du couloir. Je n'ai même pas à patienter beaucoup, la voici. Une robe légère et colorée. Un petit chapeau marron sur son buisson de cheveux blonds. Et ses yeux turquoise illuminaient son visage souriant. Je cours vers elle, elle court vers moi. Normalement, à ce moment, le film des films au ralenti et la musique se déchaîne. Elle me tombe dans les bras, on s'embrasse, toujours comme au cinéma. Je savais qu'elle avait un Danois qui l'attendait en Fioni. Elle savait que j'avais une avocate encore en vacances en Italie, mais à cet instant, il n'y avait que nous deux sur la surface de la terre. Nous sommes restés enlacés un bon moment au milieu du passage. On devait gêner les gens, mais personne ne nous a embêtés. Je crois que les autres vacanciers devaient être contents pour nous. Et puis, c'était l'été. Les vacances, la paix. À Paris, au moins, on faisait l'amour, pas la guerre. Je l'ai conduite jusqu'à son appartement, dans le 13e. Il pouvait être 6 heures. Là, elle a posé sa valise et nous nous sommes bizarrement assis sur un petit canapé, dans l'entrée. Elle m'a pris la main et m'a dit d'un ton hésitant « Tu sais, je ne suis pas sûre. Si tu peux te contenter de me caresser ?» J'ai dit « Oui, bien sûr. » J'aurais dit « Oui, bien sûr » si elle m'avait demandé de sauter par la fenêtre pour elle. Nous nous sommes embrassés, 1 fois, 2 fois. Au 3e baiser, elle s'est levée et m'a entraînée dans le couloir menant à sa chambre. Un couloir de 5 mètres de long environ, que nous avons bien mis 1 quart d'heure à parcourir, parce que c'est difficile de marcher en s'embrassant à bouche que veux-tu tout en se déshabillant réciproquement. Quand nous avons passé la porte de sa chambre, nous étions entièrement nus, sauf un petit collier qu'elle portait. La suite. La suite est une fête de caresses, de baisers, de jouissances partagées, donc multipliées, et une longue fête. Il a fallu que la faim nous chasse du lit le lendemain vers midi, car le garde-manger était vide et nous n'avions rien avalé d'autre depuis la veille que nos baisers. Quelque part, au petit matin, je crois, elle avait resserré les traînes de ses cuisses bronzées autour de mes hanches, comme pour m'enfoncer encore plus profondément en elle. Elle m'avait pris le visage entre ses mains et m'avait noyé dans ses yeux turquoises, tout en murmurant « As-tu déjà regardé une femme heureuse, vraiment heureuse ?» Le gamin que j'étais n'en avait pas eu conscience, mais aujourd'hui je sais. À cet instant, dans l'étau velouté de ses cuisses, dans la chaleur accueillante de son sexe, dans l'océan de ses yeux, en l'écoutant me dire son bonheur, j'étais en paradis.